Oh mon chéri, je suis vraiment dépassé. Regarde bien mes yeux, ils sont pleins de larmes. Depuis très longtemps, je le savais déjà. Mes compliments, tu t'es moqué de moi. Je veux l'entendre de ta bouche avant de m'en aller. Oh chou, oui je veux l'entendre de ta bouche avant de m'en aller. Avec l'argent de la popote, j'ai vu toi marabout. Pauvre de moi, ils m'ont dit la même chose. Tu ne m'aimes plus, c'est ce qu'ils m'ont raconté. C'est vraiment regrettable, mais dis-moi si c'est vrai. Et je veux l'entendre de ta bouche avant de m'en aller. Oui, je veux l'entendre de ta bouche avant de m'en aller. Je suis vraiment dépassé. Regarde bien mes yeux, ils sont pleins de larmes. Depuis très longtemps, je le savais déjà. Mes compliments, tu t'es moqué de moi. Je veux l'entendre de ta bouche avant de m'en aller. Oh chou, oui, je veux l'entendre de ta bouche avant de m'en aller. L'argent de la popote, j'ai vu toi marabout. Pauvre de moi, ils m'ont dit la même chose. Tu ne m'aimes plus, c'est ce qu'ils m'ont raconté. C'est vraiment regrettable, mais dis-moi si c'est vrai. Et je veux l'entendre de ta bouche avant de m'en aller. Oh chou, oui je veux l'entendre de ta bouche avant de m'en aller. Plus.